Vous écoutez toujours Futur Simple sur les ondes de CKRL. Et nous terminons l'émission maintenant avec Christiane. Et avec elle, nous allons complètement changer de domaine. Elle va nous parler, en effet, de l'effet de la musique sur le cerveau. Alors, la musique a quelque chose d'universel. Tous les peuples, depuis la préhistoire, jouent de la musique. C'est à la fois un art, un moyen de communication incontournable, mais c'est également une thérapie pour certains problèmes psychologiques. C'est donc dire à quel point la musique agit avec puissance sur notre cerveau. Alors Christiane, à quel point la musique peut-elle nous procurer des émotions fortes? Eh bien, elle peut nous procurer des émotions vraiment très très puissantes et nous donner littéralement des frissons. C'est pas tout le monde. Tout le monde est touché à un degré qui lui est propre par la musique, mais l'effet jouissif de la musique a été étudié. A toujours intéressé depuis, je pense, assez longtemps, là, mais est étudié au Laboratoire international de recherche sur le cerveau, la musique et le son, qui est conjointement, entre guillemets, partagé par l'Université McGill et l'Université de Montréal, à Montréal. Donc, c'est quand même proche de nous, c'est au Québec. Et puis, c'est un des laboratoires reconnus dans le monde pour étudier les effets de la musique sur le cerveau. Et il faut savoir que le cerveau comporte un centre du plaisir, un centre... un genre de système de récompense qui nous fait nous sentir bien et qui va s'activer pour renforcer des comportements liés à la survie. Donc, on est fait pour avoir du plaisir en faisant des choses qui sont bonnes pour nous, en théorie, bien sûr. Par exemple, savourer un bon repas. Ouais. Une chance que, vu que manger est essentiel, on a du plaisir à bien manger. Le plaisir sexuel, c'est dans le même centre du plaisir du cerveau. Et ça peut être également lié à la motivation. Par exemple, à la survie, gagner beaucoup d'argent, ça peut devenir procurer du plaisir quand on gagne beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent parce que c'est lié à la survie indirectement. Donc, c'est un petit neurotransmetteur qui s'appelle la dopamine qui est lié à ce plaisir extrême-là. Mm-hmm. Et il y a une équipe de McGill qui a étudié l'activité cérébrale et la sécrétion de dopamine de 10 volontaires, jeunes volontaires, âgés entre 19 et 24 ans, qui disait éprouver de vrais frissons en écoutant la musique. Ah oui, carrément. Exactement. Ils ont sélectionné, il y a eu plusieurs centaines de participants, ils ont dit on va prendre ceux qui ressentent vraiment le plus de frissons. Et les résultats démontrent que la dopamine est sécrétée lorsqu'ils écoutent de la musique. Ça fait un réel plaisir dans le cerveau. Ouais. Ça agit au même endroit. Et cette dopamine-là est sécrétée en anticipation du plaisir lié à la musique écoutée. Et lorsqu'on a un frisson, des fois une œuvre chorale, quelque chose qui nous qui peut nous rendre, des fois, donner les larmes aux yeux. Hein. Donc, lors de ce frisson-là, la molécule va agir sur le noyau accumbens, c'est un noyau quelque part dans le cerveau, qui est une zone cérébrale de l'euphorie. Mm-hmm. La cocaïne va agir sur ce même centre-là. Ah ouais. Alors, les drogues dures des opinacées, ça agit à le même endroit. Donc, c'est assez puissant, la musique. C'est mieux d'écouter de la musique. Oui, hein? c'est meilleur pour la santé, je pense. On reste fonctionnel. Et puis donc, la musique contribuerait au renforcement des émotions en faisant appel à plein de notions dont l'attente, la surprise, l'anticipation. Et comment on fait pour évaluer si une musique est agréable ou non? Parce qu'a priori, il veut dire, est-ce qu'il y a une unité, est-ce qu'il y a des repères? Une musique qui est agréable pour moi, elle sera peut-être pas agréable pour toi. Bien, effectivement, il y a des différences. Hein? Ben, il y a évidemment culturel, hein? Parce que bon, je suis née en Arabie Saoudite, en Afrique, en Asie. On n'est pas exposé aux mêmes instruments, aux mêmes notes, aux mêmes gammes. Bon, il y a tout ça, les associations à l'enfance, etc. Mais il y a aussi la physiologie de l'oreille qui entre en jeu. Et c'est ça que je trouve très intéressant. Le pavillon de l'oreille, ça, c'est la forme de l'oreille en cartilage qu'on voit, là, nos oreilles qu'on touche molles. tout le monde a une forme d'oreille différente. Et il y a des petits poils aussi dans l'oreille. Et puis, ce pavillon-là joue un peu le rôle des verres fumés en filtrant certaines longueurs d'onde. Donc, tout le monde n'entend pas exactement les mêmes sons. Comme tout le monde ne voit pas exactement les mêmes couleurs. Des fois, on dit « Ah, oh, c'est plus gris, non, c'est plus brun. Mm-hmm. » On voit pas tous pareil. Ben, on n'entend pas tous pareil. Okay. Okay. Donc, la notion d'agréable peut être variable selon aussi ce facteur-là. Et puis, lorsqu'une mélodie désagréable est jouée, selon la personne, une zone du cortex s'active particulièrement et va procurer une émotion de conflit, de douleur émotionnelle. Wow, donc, c'est quand c'est pas agréable, hein, on a de la misère à endurer la musique. C'est pas pour rien, ça nous fait mal. Oui, c'est vrai. Hein, ça fait vraiment mal. Hein, oui, ça fait vraiment mal. Et dis-moi, est-ce qu'il y a des gens pour lesquels la musique est complètement transparente? Ils sont complètement indifférents à la musique. Oui, et ça existe. Ça s'appelle l'amusie. Amusie, donc ouais, pas privatif. De... Voilà. Ouais. Et puis, c'est une malformation congénitale qui toucherait de 3 à 6 % de la population, ce qui est quand même significatif. Ah oui. Et pour ces gens-là, la musique est souvent décrite comme seulement une source de bruit qui fait du stress. Finalement, c'est triste. C'est très triste, mais eux, ils ne savent pas ce qui manque, évidemment. Là. Ouais. Les rythmes, la mélodie, les accords, ça n'a pas de sens pour eux. Ah oui. Ça leur dit rien. Mais souvent, le langage n'est pas touché. C'est pas des gens qui sont handicapés ou qui ont quoi que ce soit ouais. d'autre. C'est juste cette petite faculté-là ne fonctionne pas. Mmh. Donc, c'est vraiment une zone particulière du cerveau, la musique. Et ça, ces gens-là peuvent faire la différence entre des bruits normaux, là, et les bruits, un klaxon, un chien, ils vont tout mm-hmm. voir ça. Oui, oui. Ce qui serait intéressant d'ailleurs, c'est que la génétique, un jour, pourrait nous faire savoir s'il existe un gène de la mm-hmm. musique. Parce que là, on se dit, bon, ces gens-là, ils ont un gène qui est ou bien absent ou mal qui fonctionne mal, le gène de la musique. Donc, si on peut savoir quel gène ne fonctionne pas, ça nous dirait, ben ça, c'est le gène de la musique. Oui. Donc, bon, on n'est pas rendu là, mais... Non, pas du tout. Et petite parenthèse intéressante, un musicien, je sais pas comment ça, qui est très connu, c'est Che Guevara. Ah oui? Oui, et puis ça l'handicapait beaucoup parce qu'il était né à Cuba. Il est pas né à Cuba. Ah, il est né en Argentine, je crois. Mais bref, Amérique du Sud, qui a vécu longtemps à Cuba, pays de la danse, de la ouais. musique, où ça a beaucoup, beaucoup de place. Donc, socialement, ça l'handicapait beaucoup. Il ne savait pas danser, il n'y avait pas le rythme du tout. Oui, c'est un petit peu embêtant, surtout pour une personnalité publique. Oui. Donc, c'est pas tout fait, cocasse. Et à l'opposé de la musique, il y a aussi ce qu'on appelle l'oreille absolue. Oui, l'oreille absolue, ça, peut-être qu'on a déjà entendu ça, il y a l'oreille absolue, c'est rare, mais ça existe. C'est une aptitude que possèdent certains musiciens de reconnaître sans référence préalable, on dit une note comme ça, là, sans rien, le nom d'une ou plusieurs notes successives ou simultanées. Donc, pour lui, c'est très facile, c'est évident. Ah, ça, c'est un la, ça, c'est un si. Il écoute un accord, il peut tout comprendre. Donc, c'est une capacité extrême de discrimination des fréquences liée à l'activité des cellules ciliées externes dans l'oreille. Mm. Et c'est conjugué à une mémoire sonore très développée, évidemment. Ils peuvent disséquer les harmonies note par note et tous les instruments. Donc, en tant qu'un orchestre, ils pourraient décortiquer toutes les notes. Ce que le commun des mortels, c'est dur à imaginer quand même. Mais pour apparaître, il faut avoir des prédispositions génétiques, mais c'est pas tout. Il faut avoir baigné dans un environnement très musical où il y a eu un apprentissage intensif quand même pour que ça se développe. On peut avoir la prédisposition, mais si c'est dans un environnement pas musical, ça sortira pas vraiment. Donc, c'est vraiment environnemental et génétique en même temps. Et chez, petite autre parenthèse intéressante, il y aurait un pourcentage plus élevé de gens qui ont l'oreille absolue dans les pays où il y a où ils parlent des langues asiatiques. Ah oui. Pourquoi? Parce que les langues asiatiques, pour ceux qui s'y connaissent un petit peu, moi ayant suivi un petit cours de mandarin, ce sont des langues tonales, c'est-à-dire que c'est comme une chanson. En français, on dit table ou table. Ça veut dire la même chose. Oui, alors que, ma ou ma, en chinois, c'est pas en mandarin, n'est pas la même signification. Donc, il faut qu'ils apprennent à bien distinguer les différents tons, alors que nous, c'est pas grave. Nous, c'est moins nécessaire à la communication, tandis que dans les langues asiatiques, c'est essentiel. Tout le monde parle en chantant, entre guillemets. Donc, il y aurait beaucoup plus d'oreilles absolues dans ces pays-là. Il faut qu'on aille un petit peu vite parce que le temps passe, mais juste une dernière question. Oui. Des fois, on a une chanson qui nous trotte dans la tête, là, un verre d'oreille. Oui, un verre d'oreille. Est-ce qu'on a une explication pour ça? Oui, rapidement. Rapidement. Ce serait comme une démangeaison cognitive. On appelle ça comme ça. C'est une petite démangeaison, un petit quelque chose que le cerveau gratterait en refaisant jouer toujours la même chanson. Et c'est souvent exacerbé par le stress, l'angoisse. Et ça a l'air que les femmes sont plus susceptibles que les hommes pour ce phénomène-là. C'est arrivé tout le monde un petit peu. Mais... bref, il y a même des gens qui ont tellement de problèmes extrêmes qu'ils doivent prendre la médication parce qu'ils subissent une chanson de Noël pendant des semaines, par exemple. Oh, il y a de quoi rendre fou. Oui. Donc, bref, c'est normal. Et puis, il y a des manières. Souvent, réécouter la chanson ou écouter une autre musique fait partir la démangeaison cognitive. Merci beaucoup, Valérie. C'est sûr qu'il y a encore beaucoup de choses à apprendre. C'est fascinant. Pour découvrir vraiment comment fonctionne la musique, comment déchiffrer les effets de la musique sur le cerveau. Mais même si on ne sait pas tout, ça ne nous profite pas. Oui. Pour ceux qui ne sont pas musiciens, ça ne nous empêche pas de profiter déjà maintenant des effets bénéfiques de la musique. Donc, merci beaucoup, Christiane. Merci beaucoup.